Alors, la deuxième partie. Non, c'est comme d'habitude, les gens ont trouvé tes questions plates, alors ils t'en ont suggéré. C'est ça, ils m'en ont suggéré quelques-unes. La première. J'aurais préféré que tu commences par la troisième. OK. Que signifie bénéficier d'un événement du point de vue d'un être humain? Bon, être humain est souligné, donc on ne parle pas de l'ego. Bénéficier d'un événement, ça veut dire être capable. Je vais répondre rapidement à toutes les questions, puis après ça, si on a du temps, on pourra aller un peu plus creux dans les questions. Bénéficier d'un événement du point de vue d'un être humain, donc d'une personne capable d'être centrée dans son intelligence, ça veut simplement dire être capable d'absorber l'énergie contenue dans l'onde de forme d'un événement. Voilà. Lorsqu'on veut instruire l'ego du bien-être acquis, comment le fait-on? Verbalement, par la pensée, par le voyage astral, par le rêve? Verbalement, c'est la meilleure chose. C'était ma question de tantôt. Je vais vous poser. Verbalement. Peux-tu expliquer... Y'a-t-il d'autres de même? Non, ça va. Peux-tu expliquer à quoi sert la phase de négociation supramentale? Oui, je peux. Tiens, un autre? Je t'assure. Fais-le. C'est pas écrit. Je t'ai tellement dedans. Alors, recompose-la. OK. Explique à quoi sert la phase de négociation supramentale. C'est comme ça qu'on pose la question. Bon, rapidement encore une fois. La négociation, premièrement, c'est un mot que j'ai inventé parce que la langue française, comme toutes les langues, de temps en temps, il faut qu'on rajoute. La négociation veut dire sans ego, fonte de l'ego, diminution de l'ego. Dans l'ancienne étymologie, on pourrait parler d'humilité, mais l'humilité, on finit par s'en vanter astralement. La négociation, non, c'est une absence d'ego. L'être humain, bon, alors pour les personnes qui ne viennent pas souvent ou qui viennent la première fois, il y a plusieurs choses probablement que je vais dire qui vont un petit peu vous échapper, mais à la longue, on finit par comprendre, par pouvoir suivre. Premièrement, l'être humain est bâti de quatre corps physiques, le vital, l'astral, le mental. L'astral, c'est le corps de la psychologie dans lequel on retrouve les mémoires, les émotions et les désirs. Au-dessus de cela, il y a ce qu'on appelle l'énergie supramentale, donc au-dessus du mental, supramental simplement. Et cette énergie-là, c'est une énergie qui, dans le langage du Québec surtout, peut aussi s'appeler intelligence. Alors, il y a l'intellectuance qui nous permet de nous rappeler ce qu'on a appris, puis il y a l'intelligence qui nous permet de savoir une chose quand c'est nécessaire qu'on le sache, instantanément, spontanément. Nous sommes de l'intelligence, c'est l'esprit. Dans l'antique religion, disons l'Église catholique, on parle par exemple de l'Esprit Saint, qui est un esprit non coloré par l'homme, esprit pur. Alchimiquement, on parlera d'énergie christique. C'est aussi le Christ, c'est la même chose. C'est ce qui vient christifier un être humain, puis en fait un être un peu plus haut qu'humain. La négoïsation, qu'est-ce que c'est? La négoïsation, c'est la phase par laquelle l'ego diminue progressivement, diminuant l'énergie qui constitue l'ego, finit par imbiber le corps physique. Progressivement, l'humain, au lieu de réfléchir, commence à rayonner. La négoïsation se continuant, progressivement, il y a une création dans un plan moronciel, qui est le plan où vont les âmes quand le corps physique n'est plus capable de les soutenir. On va dire à la mort du corps physique. Et dans le plan moronciel, l'âme lentement gagne le monde de la mort, le ciel. Alors, une personne qu'on parvient à réanimer, quand le corps physique est en arrêt cardio-respiratoire, par exemple, la personne qu'on parvient à réanimer, qui revient, puis qui nous compte ce qu'elle a vu de l'autre bord, c'est dans le plan moronciel qu'elle était. Elle n'était pas dans le monde de la mort. Le double éthérique, c'est un double constitué de l'énergie de l'ego qui a la capacité de maintenir notre conscience si le corps physique meurt. De ce fait, l'individu qui s'anégoïse va progressivement créer un double conforme de sa conscience dans le plan moronciel, le double éthérique, qui va lui permettre de continuer à être là, même si le corps physique est mort. L'être humain, normalement, lorsque le corps physique meurt, gagne le monde de la mort après un laps de temps, et là, dans une phase purgatorielle, il se dissout dans le monde de la mort, pour se réincarner pluralitairement par la suite. Alors, on en a parlé dans différentes conférences qu'on a fait ces derniers temps. La négoïsation crée le double éthérique. Le double éthérique, c'est le véhicule le plus parfait capable de maintenir une conscience intelligente dans le voisinage d'une planète. Alors, ça sert à ça, la négoïsation. Est-ce que cette phase de négoïsation demande une approche particulière? Ça demande plutôt une fuite. Comment doit-on s'y prendre pour faire une colère mentale lorsque l'on est sujet à des attaques psychiques? Ah. Petit morceau de la question de tantôt qui manquait. Bon, est-ce que cela demande une démarche particulière, la négociation? La vie va vous. Plus vous allez devenir conscient, plus vous allez trouver des choses stupides. Donc, la vie va déjà s'arranger pour vous amener sur un chemin où vous allez décoder progressivement le mensonge cosmique. Et en décodant progressivement, vous allez vous égoïser. Votre ego va devenir encore plus puissant. Ça va devenir des gueulards, des criards, des plus capables de « Ah, ça n'a pas d'allure », puis bon. Et à un moment donné, vous allez finir par découvrir que même vous, vous faites partie de ce que vous ne voulez pas. Et là va commencer la négoïsation. Maintenant, on peut procéder d'une façon plus douce, plus plaisante. Plus il y a d'êtres humains qui vont être dans la mécanique de la négoïsation, plus ça va être facile pour d'autres. Parce qu'il y aura déjà une instruction dans l'expérience planétaire et les égaux auront accès à l'instruction, ce qui fait qu'ils auront moins peur puis vont laisser les choses se faire plus facilement. Plus il y en a qui passent, plus c'est facile aux autres de passer. Démarche particulière, conscientisation, ne pas se prendre au sérieux, puis vivre sérieusement. Grosso modo, si on résume. Comment doit-on s'y prendre pour faire une colère mentale lorsque l'on est sujet à des attaques psychiques? Répondre comme ça, c'est compliqué. J'ai déjà donné des séminaires sur la colère mentale. À l'intérieur de la structure du PMC, ça va revenir. Pourquoi je ne veux pas trop répondre? C'est pour la simple raison que tant que vous ne faites pas de colère mentale, les mécaniques astrales ne vous connaissent pas, vous êtes un collectif. La journée que vous faites une colère mentale, vous sortez à travers tout le monde. Puis là, vous êtes ciblé. Si vous n'avez pas la puissance de placer les choses régulièrement par la suite, ça peut être problématique. Vous risquez d'avoir plus de problèmes dans votre vie. Parce que maintenant, vous allez avoir laissé votre nom quelque part. Vous allez être sur la liste blanche. Ceux à faire évoluer au plus vite. Alors, donc, quand on fait le séminaire, on apprend toutes les mécaniques qu'il faut. Parce que le monde astral de la planète est assez pervers. Vous évoluez, votre famille va commencer à souffrir. Vos voisins, vos amis, etc. Faites une colère mentale, vous êtes protégé. Votre fils commence à se droguer. Il faut connaître les clés. Je ne fais pas de voyage dans le monde astral, mais je ne suis pas dans mon corps pour autant, car je suis constamment branché dans le domaine de la pensée. Je reste conise, consciemment, puis oups, comme ça, un paquet d'images viennent dans ma tête et me voilà ailleurs, dans une ou plusieurs pensées tout à fait inutiles. Je m'aperçois que j'ai cessé de resconiser tout en ne le voulant pas. Où suis-je, moi, la conscience, à ce moment-là? Bon, si vous ne faites pas de voyage astral, vous devez au moins comprendre que l'astral fait des voyages humains, lui. C'est lui qui rentre par la pensée et qui vous fait de la grosse fonte. On s'en va. On va répondre encore en englobant rapidement. Le cerveau est structuré de plusieurs façons. Il y a des neurones, on le sait. Il y a des cellules gliales, souvent on ne le sait pas. Puis il y a d'autres petites choses. Certains neurones ont la capacité de se dépolariser, on va dire, d'exprimer physiquement la pensée émotive, l'astral. D'autres neurones ont la capacité de se dépolariser à une énergie plus haute. On parlera de cellules qui ne servent à rien pour l'instant. Et lorsqu'elles se dépolarisent, elles expriment de l'intelligence, de la conscience. Vous vous maintenez régulièrement dans des régions cérébrales qui n'ont pas encore de capacité de contrôle physique. Alors, vous restez présent dans votre corps physique, sauf que vous ne pouvez pas, quand vous êtes justement manipulé, vous n'êtes pas dans une position cérébrale pour contrôler le corps physique. De ce fait, vous ne vous exprimez pas dedans. Si vous ne vous exprimez pas dans le corps physique, il n'y a pas d'expérience planétaire de votre présence. De ce fait, il n'y aura pas de mémoire de votre présence. De ce fait, l'ego, quand vous revenez, n'a pas de trace. Ce qui fait que vous pouvez dire « Crime, je t'ai où? » Voilà. Tu étais là, mais tu ne savais pas. C'est ça. Il n'y a pas de trace. Quoi faire pour arrêter cette mécanique du coq à l'âne? Bon. Continuez à faire ce que vous faites. C'est la meilleure chose pour venir arrêter la mécanique du coq à l'âne. C'est évident qu'à un moment donné, plus ça va aller, plus certains individus, mais pas tout le monde, certains individus devront s'astreindre à apprendre plus concentrer plus globalement et plus rapidement certaines choses pour se transformer. C'est pas tout le monde. Il y a plusieurs personnes qui ne bénéficieront pas, par exemple, de séminaires intensifs ou de formations intensives, alors qu'il y en a d'autres qui en auront essentiellement besoin. En attendant, la personne doit continuer à faire ce qu'elle fait, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle pratique certaines techniques qui vont nécessairement l'énergiser, et en plus, elle est consciente que de temps en temps, elle se fait décoller. Mais si elle en est consciente, qu'elle cultive cette conscience-là. Puis à un moment donné, elle va de plus en plus se rapprocher de l'instantanéité, puis on pourra de moins en moins l'envoyer promener. Continuer à être conscient. La personne, souvent, elle dit « Oui, mais c'est choquant. » Mais non, on n'a rien à faire de savoir si c'est choquant ou pas choquant. On continue à être conscient. « Tiens, je me sens qu'on fait avoir. » C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Pas « Ah, maudit, je me sens qu'on fait avoir. » Vous êtes encore en train de nous faire avoir, là. Alors, on doit être là. Puis plus on va être là, plus on va être là. Comment puis-je instruire mon ego? C'est pas moi qui pose la question. Si tu me réponds, ça va être long. Fait que c'est pour ça que je précise. Comment puis-je instruire mon ego? Tout ce que vous faites dans la vie instruit votre ego. Intelligemment, vous devez maintenant sélectionner les professeurs. Vous allez voir un film intéressant, ça instruit l'ego. Pourquoi? Parce que c'est de la mémoire, c'est de l'information. Vous allez voir un film qui est, disons, inécologique, vous instruisez encore l'ego, pas de la bonne façon. Choisissez le bon prof, le bon film. Vous lisez un livre inutile, vous instruisez l'ego, pas de la bonne façon. Vous lisez un bon livre, vous instruisez l'ego, de la bonne façon. Vous venez à une conférence, vous instruisez l'ego, de la bonne ou de la mauvaise, c'est à vous de décider. C'est comme ça qu'on instruit l'ego. Et nécessairement, quand on y parle, par la voix, dans la tête, c'est dangereux parce que souvent, c'est l'ego qui commence à nous parler, on pense. Il faut qu'on parle. On parle à l'ego comme si vous étiez un dieu qui parlerait à un humain. Il va écouter ce langage-là. Un gros ego va finir par se prendre au sérieux. On ne doit pas se prendre au sérieux. Mais écoute, là, mon petit, là, t'as peur, là, mais je suis là, là, il se passera rien, là. Écoute bien, là, on doit parler comme ça à notre ego. On finit par arriver à l'instruire. C'est étonné de les entendre parler, tu l'as dit, hein? Je joguais. Un accident a fait en sorte que j'arrête. Ah, ben, c'est... Je voulais... Chance. Je voulais observer quelque chose en travaillant, mais me fis irascon, alors une douleur aiguë s'installe au niveau du dos. Dernièrement, je voulais travailler sur la façon dont sortait la voix lors d'une communication, alors je suis devenu complètement aphone. Pose pas ces questions-là en conférence, t'en fais peur au monde. Pourquoi tout cela est-il arrivé? Quand un être humain évolue, je l'ai dit un peu au début, il y a des forces sur la planète qui font tout pour que vous ne soyez pas trop en santé, pas trop heureux. Pas trop, rien. Bon. Alors, elle entretenait son corps physique, elle court, et puis, bang, elle court plus. Alors, elle observe des choses en travaillant à Menfi et Rescon, puis subitement, ben là, il y a des douleurs aiguës qui vont apparaître, qui vont lui dire, écoute, fais d'autres choses. Elle essaie de parler, puis ça parle plus. Pourquoi y a-t-il des choses comme, bon, pourquoi ça arrive? Premièrement, vous devez savoir qu'il y a un ennemi majeur, un extraordinaire ennemi qui plane sur la Terre et qui fait tout en sorte pour que l'humain n'avance pas. Cet ennemi-là, il a eu la capacité, il y a quelques milliards d'années, d'infiltrer les corps physiques. Et on appelle cet ennemi l'ego. C'est le cœur de l'âme. Et puis, c'est l'une des choses les plus anti-évolutives. Pourquoi? Parce que c'est de la mémoire concentrée de tradition. Alors, au nom du passé, vous ne ferez rien de neuf. Ce que l'ego ne sait pas, parce que l'ego n'est pas intelligent, c'est que toute la tradition a été amenée d'une façon neuve à un moment donné. Et on a abandonné les traditions pour en adopter de nouvelles. Plus il y a d'humains qui adoptent une tradition, plus elles deviennent difficiles à changer. Ça crée des problèmes. Les chrétiens, par exemple, vont répéter un rituel sans arrêt, la messe, la communion. On ne bougera pas les traditions. Mais s'ils se rappellent un petit peu, ils vont se rendre compte que quand le Nazaréen est venu, il a pulvérisé une tradition pour mettre la sienne. Les Juifs n'ont pas accepté celle du Nazaréen. Ils continuent donc avec une autre tradition. Notre ego est traditionnel, il a des habitudes. Notre ego a peur. Il est structuré pour nous empêcher d'aboutir, d'éclore, de nous épanouir. Et ça va faire en sorte que de temps en temps, il va vous bouger d'une façon particulière. Il va créer des maladies, il va s'exprimer, c'est lui qui contrôle le corps physique. Quand on parle de devenir le maître contrôleur, c'est le mental qui devient le maître contrôleur à bord du corps, pas maître contrôleur des autres. Pour que nous, la conscience, puissions finir par devenir le maître contrôleur de notre vie, au minimum au niveau de la structure physique, là, c'est l'ego qui dirige. Afon, la parole place la pensée. Alors l'ego va s'arranger pour qu'on se taise. Le corps physique en santé, bien nécessairement, l'ego peut vous nuire. Je ne dis pas que tous les égos font ça. Les égos ne sont pas égaux. Quand on décide de se prendre en main, subitement, tout se met à aller mal, qu'est-ce qu'il faut faire? Colère mentale, c'est la solution. On ne sait pas comment. On continue. En se disant que, ben merde, je continue quand même. Là, vous êtes dans un lit hospitalisé avec un tube dans la bouche. Et plus parler, plus courir, plus rien faire. Vous êtes dans votre caboche? Continuez. Faites des exercices là-dedans. Restez vous-même. Que va-t-il arriver avec la race juive d'ici 10 ans? Voilà. Ben, ils vont faire de l'argent. Les historiens s'entendent pas tellement sur ce qui se passe dans les prochaines années. La race juive n'est plus une race, c'est un peuple. Il y a à peu près plus aucune race sur la planète. Il y a des peuples. Ce sont des peuples de Dieu. Alors, ça peut être le peuple d'Allah, ça peut être le peuple de Yahvé. Ce sont des peuples, plutôt que des races. L'être humain va progressivement entrer dans une sixième race mère. Alors que le peuple juif fait partie de la souche qui va engendrer la race mère blanche, et c'est la cinquième sous-race de la race atlantéenne, les Sémites. Il n'y a plus de race, donc on ne peut pas poser la question comme ça, ce qui fait qu'il n'y a pas de réponse non plus à parler de la race juive. Mais une chose qui est évidente, c'est que la majorité des structures religieuses vont avoir une tendance dans les années à venir à se mentaliser. Et l'association des religions spirituello-mentales va finir par engendrer une religion planétaire, une religion mentale, qui, pour la première fois dans l'histoire de ce peuple, va être une religion qui va permettre à l'individu de réussir. Alors que toutes les autres religions vous promettent, mais vous traitent d'hérétique et de blasphème si vous dites que ça fonctionne. Parce que dites à un chrétien que vous avez rencontré Dieu, dites à un mormon, dites à n'importe qui, non, les religions ne tolèrent pas que vous réussissiez. Monsieur Kemp, que pensez-vous du jovialisme? Est-ce un mouvement de pensée qui rejoint votre vision de la vie? Moi, je trouve ça très drôle, le jovialisme. Ce n'est rien pour moi, c'est intéressant. Les personnes qui font partie du jovialisme font partie d'un mouvement. Faire partie d'un mouvement, c'est intéressant. Mais ça a toujours ses limitations, c'est qu'on ne fait toujours pas partie de soi-même. Et si, en attendant, on a besoin de faire partie d'un mouvement, c'est bon. Le jovialisme, si c'est le jovialisme, si c'est André Moreau réincarné chez d'autres personnes, c'est bon. Moi, je connais bien André. On a fait des conférences ensemble. Il est parvenu à se sortir de marasme terrible que plusieurs humains ont connu et connaissent encore. Le jovialisme, c'est la forme, c'est une très très belle forme de façon de vivre. Moi, je dis souvent qu'on doit s'amuser, qu'on doit rire. Être jovial, c'est de s'amuser. C'est évident qu'il faut faire attention pour ne pas non plus rire par principe. Moi, je ris parce que c'est drôle. André rit souvent parce que c'est drôle. Et ça insulte plusieurs personnes, parce qu'eux ne rient pas. Eux sont sérieuses. Alors, le jovialiste, c'est quelque chose de très, très, très bon. La condition, encore une fois, c'est que vous êtes jovialiste parce qu'on veut mettre un nom pour communiquer, pas de problème. Vous êtes jovialiste par principe, il y aura une limitation à un moment donné, vous allez finir par vous péter le nez. Alors, André Moreau, il n'est pas jovialiste, c'est le jovialiste. Alors, si vous êtes le jovialiste aussi, il n'y a aucun problème. Lorsque l'homme a une perception avec une autre personne, comment savoir si c'est l'onde de forme, de retour, miroir, ou les vibrations de l'autre? C'est une question d'énergie et on doit appliquer pratiquement l'expérience ici. Si ça vous nourrit, de toute façon, c'est correct. Maintenant, savoir si c'est l'onde de forme, notre onde de forme qui revient, ou l'onde de forme de l'autre qui est émise, ça va dépendre beaucoup plus de votre capacité de vous reconnaître, donc de vous supporter en tant qu'ego, et ça va dépendre de la puissance de l'autre. Si, par exemple, l'onde qui revient vers vous revient d'un individu que vous considérez comme étant beaucoup plus puissant que vous, et que l'onde de forme qui revient est une onde de forme de respect, c'est que vous êtes beaucoup plus puissant que vous pensez. C'est une onde de retour pure. Sinon, si vous êtes devant quelqu'un qui est plus faible énergétiquement que vous, ben nécessairement, il va ramener votre onde de forme vers vous, colorée avec ce qu'il perçoit de vous, et qu'on ne peut pas se fier. Mais de toute façon, le nombre de formes qui nous place dans une situation où on est énergétiquement bien, c'est nourrissant, on doit en profiter. Monsieur Kemp, depuis les derniers mois, j'ai eu besoin de consulter deux individus différents pour extraire de mon astral une entité négative. Comment être certain que cette entité est définitivement partie et quoi faire pour être certain qu'elle ne revienne pas? Bon, premièrement, ben, le temps n'existe pas, mais vous allez voir si c'est parti ou non. La question, elle est problématique. Pourquoi? Parce que vous avez une idée. Ce qui fait que si l'entité est effectivement totalement anéantie, puis qu'à un moment donné, une partie de votre ego commence à recréer chez vous l'entité, commence à jouer à l'entité parce qu'il a expérimenté des mémoires, il a des mémoires et sait comment elles se déguisent, uniquement pour, parce qu'il y a des parties maintenant qui vont vouloir fructifier, vous pouvez immédiatement penser que vous êtes dans le même problème qu'avant. Alors ça peut être totalement faux. Je connais bien la mécanique des possessions et des entités et je sais très bien que plus un individu se retrouve avec lui-même et décide d'être lui-même, quelle que soit l'entité, à un moment donné, elle finit par être anti-café, qu'elle décolle. On doit bien comprendre que de toute façon, de base, l'être humain est mal pris, il est possédé. Possédé par la colère, possédé par la jalousie, par la haine, par la peur, par un paquet de choses qui font en sorte que bien souvent, vous n'êtes même plus dans votre corps physique, c'est ça qui domine. C'est ça l'ego. De temps en temps, il y a un deuxième ego qui commence à apparaître. Là, on parlera de possession puis d'identité. Ça crée un problème. Si la partie fusionne à votre ego, on parlera de dédoublement de personnalité. Bon, ce sont des choses. Mais soyez ce que vous êtes vous de temps en temps, et puis vous allez voir que la chose ne reviendra pas. Et si on veut une pratique plus terre-à-terre, conservez un corps vital puissant, soyez épais, autrement dit, moins vous allez être influençable, moins l'entité ou moins ces choses-là pourront revenir. Puis, n'énergisez pas les mémoires de l'entité, c'est-à-dire que quand vous avez l'impression que c'est là, énergisez votre présence. Vous soyez plus là qu'elle. Parce qu'à un moment donné, je gagne là, je savais encore, puis là, vous vous donnez de l'énergie, vous allez la reconstituer. La génétique n'est pas toujours transmissible. Ainsi, les enfants d'Albert Einstein étaient déficients. Le génie frôle-t-il la folie, ou si cette génétique était telle que des mutations ont été engendrées négativement? La stérilité chez l'homme nouveau est-elle une mutation? Bon, la génétique est toujours transmissible. Elle est d'ailleurs toujours transmise. En caractère récessif ou en caractère dominant? On doit comprendre que ce sont des mécaniques qui font partie de... Souvent, dans les familles, on a une personne qui s'en sort bien, qui va bien, qui tout est parfait, puis les autres ont des difficultés. Karmiquement, la famille paie un karma noir pour permettre à un des individus de grimper. Au niveau de la génétique, Albert Einstein, lui, a dû supporter plusieurs choses. Il a été mélangé avec des femmes, puis des enfants, elles, avaient des génétiques particulières. L'association des deux génétiques peut tarir, effectivement, celle d'Albert Einstein. Il aurait pu avoir des enfants. D'ailleurs, s'il aurait eu suffisamment d'enfants, il y aurait eu des enfants là-dedans qui auraient été très intelligents, d'autres qui auraient été normaux, c'est-à-dire conventionnels. Et on peut avoir des enfants qui sont un petit peu plus taris génétiquement. Elle se transmet toujours, mais elle n'est pas nécessairement dominante. C'est pourquoi ça prend plusieurs familles, donc plusieurs souches génétiques, si on veut purger la génétique d'un facteur qui n'est pas convenable. Il est d'accord. On dirait que la conscience n'a pas de puissance et n'est qu'un témoin de la création, attendant que l'homme soit prêt, pouvant... C'est ça. Avant de la remplir. C'est ça. Pourquoi l'esprit a de la difficulté à être manifesté par l'homme? Non, non. L'esprit est intelligent. Elle tient pas à venir ici tout de suite. Vous prenez un fer à souder à une température, disons, de 100 degrés. Quand vous le mettez sur de la glace, la partie du fer qui touche la glace, au contact, est là à 100 degrés. À l'instant où elle touche la glace, elle commence à faire fondre la glace et la partie qui touche la glace n'a plus 100 degrés. L'esprit, c'est la même chose. Lorsqu'il touche l'humain, juste comme ça, le premier contact est assez puissant. Puis quand il touche l'humain, qu'il reste sur l'humain, pardon, l'esprit baisse lentement la vibration, elle n'a pas le choix, elle est refroidie par l'humain. Je vais ressembler à Céline Dion. Ce qui fait que progressivement, l'esprit étant refroidi par le contact de l'humain, elle ne peut pas contrôler comme on dit ou comme on aimerait que ça contrôle. Il faut que nous, on se réchauffe quand on soit capable de maintenir sa chaleur à un niveau de puissance. Ça va s'exprimer, c'est pourquoi le corps physique doit évoluer. Lorsque les apôtres étaient réunis... Ils s'obstinaient. Oui, c'est la plupart. Puis chicanaient. Au Cénacle, le Nazaréen a fait descendre sur eux l'énergie supramentale. Oui, parce qu'ils n'avaient pas le temps à s'obstiner. Il les a foudroyés. Est-ce que Judas était là? Sinon, comment a-t-il reçu cette énergie? Judas avait déjà reçu un contact spiritique bien avant le reste des apôtres. Judas était le plus puissant des apôtres. Et Judas, eh bien, c'était l'ami du Nazaréen. L'ami Lazare était son vrai ami, mais Judas était un bon copain, beaucoup plus près du Nazaréen que les autres apôtres. Il a reçu un contact bien avant les autres apôtres. Pourquoi dit-on que Paul est un apôtre puisqu'il n'a ni vu ni connu le Nazaréen? Il y avait 63 apôtres, pas juste 12. Pensez qu'il irait sans télévision puis sans imprimerie communiquer tout son message comme ça à toute la Judée, la Palestine puis le monde avec 12 apôtres. Il y avait plusieurs apôtres. Il y a eu plusieurs évangiles qui ont été écrits. Plusieurs sont apocryphes. On ne les a pas imprimés. On a décidé que c'était pas correct. Et puis, il y a eu un paquet d'apôtres, mais c'est... Il faut comprendre que le Nazaréen, quand il s'est promené, il a ramassé 12 personnes qui étaient reliées à 12 faisceaux différents. Il a ramassé 12 bonhommes. Parce qu'il y avait de mieux, 12 bonhommes. Il y avait des sceptiques, il y avait des chialeux, il y avait des colériques, il y avait des bons, il y avait aussi du bon monde. Judas en était un, sauf que Judas n'a pas réussi à vendre le Nazaréen aux Romains tel que prévu. Alors, c'est pourquoi on dit qu'il l'a trahi, puis après ça, on a changé les choses quand on a écrit les évangiles disant qu'il l'a vendu. Mais le Nazaréen avait prévu de mourir sur la croix, il fallait donc qu'il se fasse arrêter, c'était évident, c'était essentiel. Judas n'a pas voulu, puis c'est Judas qui devait faire le contact entre les Romains amenés par Longinus, ceux qui venaient de Rome, et puis Judas n'a pas réussi à le faire, simplement. La personne qui suit une diète ou régime a des frustrations ou émotions, tandis que par l'hypnose, elle n'a pas à suivre la diète, elle ne subit pas de frustrations. Comment expliquer ça? C'est extrêmement simple. Dépendamment de ce qu'on va expliquer au niveau de l'hypnose, premièrement, la personne... Vous savez, quand on maigrit, on peut faire deux choses. On peut brûler ses graisses par des activités qui sont physiologiques particulières, et en brûlant les graisses, on va aussi brûler... Les hormones, on va filtrer, éliminer énormément de problématiques. Une personne qui suit un régime, ce qu'elle va faire normalement, c'est qu'elle devra ramasser des graisses, elle va les transformer dans un métabolisme qui est légèrement différent, c'est-à-dire qu'elle va s'en servir pour se nourrir. La personne qui se fait hypnotiser, dépendamment de l'hypnotiseur, elle va aussi se faire reprogrammer l'ego. Se faisant reprogrammer l'ego, elle va déjà désassujettir une grande partie de ce qu'elle va vivre en termes de frustration parce que l'ego est normalement frustré de ne pas manger. Ça fait partie des reprogrammations de l'ego. Parce que l'ego est légèrement reprogrammé, il faut faire attention, c'est pas toutes les personnes qui sont hypnotisées qui ne revivent pas leurs problématiques. Mais un hypnotiseur qui fait ça convenablement va reprogrammer suffisamment l'ego pour que l'ego ne se sente pas trop attaché aux émotions que le corps va revivre. Donc, ça dépend énormément de la façon dont on va créer le métabolisme pour éliminer nos graisses. Et ce qui est important, encore une fois, au niveau de la reprogrammation. Une personne qui cesse de fumer va normalement va vivre des stress. Si on l'hypnotise puis on travaille suffisamment convenablement son ego, il y a des fortes chances qu'elle vive à peu près rien. Le corps physique va quand même sentir, il y aura des problèmes au niveau de la nicotine parce qu'il y a un effondrement cérébral temporaire, parce que les protéines qui normalement comblent les trous au niveau du cerveau sont remplacées par la nicotine. À un moment donné, quand le corps physique n'arrive plus à sécréter les protéines parce qu'on fume trop, donc le corps n'en a plus besoin. Quand on veut cesser de fumer, la nicotine est éliminée par le sang. Le cerveau s'écrase légèrement s'il crée un stress physique, un besoin de fumer, un problème. Et là, l'acupuncture peut aider parce qu'elle va stimuler la sécrétion des protéines. Mais si on a subi, par exemple, l'hypnose, eh bien, c'est probable aussi que l'ego engendre la sécrétion, la création de ces protéines-là qui ont la forme géométrique parfaite pour combler, remplacer la nicotine. L'hypnologue est extrêmement important et c'est pas toutes les personnes qui vont vivre la même chose s'ils subissent l'hypnose. Et on doit faire attention aux hypnologues. Il y en a qui sont bons. C'est difficile de savoir. Tu le sais pas avant, tu le sais après. Oui, mais t'amènes ta femme ou ton mari, tu t'amènes quelqu'un d'autre, tu te fais hypnotiser. Ah ouais, c'est une idée. Est-il vrai que les Québécois sont de souche hébraïque? Une grande partie, oui. De toute façon, si on regarde à travers l'histoire depuis quelques milliers et milliers d'années, oui, parce que la souche teutonique anglo-saxonne, de toute façon, descend de la souche aryenne, et nous sommes descendants de la souche teutonique anglo-saxonne, donc on a une descendance hébraïque, mais on a aussi une très forte réincarnation du peuple allemand, qui, lui, réincarnait en majorité le peuple hébraïque. Ce serait compliqué à tout expliquer la mécanique, mais quand on sait qu'Adolf Hitler était lui-même de sang juif et qu'il détestait les juifs, il y a un paquet de raisons. Alors, on est descendant de plusieurs souches. Puis effectivement, on est descendant de la souche sémitique, atlantéenne, donc hébraïque. Et la suite, c'était « Et que nous sommes protégés contre n'importe quel cataclysme ». On est protégés contre n'importe quel cataclysme, sauf contre les cataclysmes qui vont nous anéantir. C'est-à-dire quoi? Il y a des personnes qui, effectivement, il leur arrive rien. Ça va bien. Puis à un moment donné, ben, ils s'en rendent compte. Oui, mais joue pas trop longtemps avec le feu. Profitez des occasions. Parce qu'à un moment donné, si le Québécois bouge pas, s'il se passe rien, ben à un moment donné, ça va finir par y tomber sur la tête. J'aimerais que vous clarifiez pour quelle raison l'émotion est si néfaste, selon vous, alors que l'humain ne vibre que par ses émotions. Bon, l'humain ne vibre pas par ses émotions. L'humain vibre par ses sentiments. Et par la suite, ils sont exprimés biologiquement en émotion. Et là, maintenant, l'ego récupère l'émotion parce que l'ego récupère qu'il s'exprime dans un corps physique, donc il sait qu'il est là. Mais les émotions détruisent le corps physique. Ça, c'est biologique. Je pourrais continuer à aller. N'est-ce pas à travers l'émotion que l'être humain peut vivre des expériences pour mieux se connaître? Non. À travers l'émotion, l'humain finit par être programmé à croire que ce qu'il vit, c'est ce qu'il est. C'est pas ça. Il se connaît pas. Il se connaît absolument pas. L'émotion, c'est quelque chose qui nous fait vivre au niveau des tripes, hein? C'est le terme. On appelle ça « triper » aussi, dans le sens voyage astral, « trip » en anglais, puis « triper » dans le sens endocrinien physique, on bouge. Et c'est ce qui fait en sorte que l'être humain ne fait jamais confiance à son intuition, parce que son intuition, elle est énergétique. Si vous avez une intuition qu'il ne faut pas que vous sortiez, puis c'est juste comme ça, ben vous sortez. Mais si vous avez une intuition qui brasse votre système intestinal, qui a fait accélérer votre cœur physique, qui bouge votre corps physique, oh non, vous allez y croire en maudit. Pourquoi? Parce qu'elle a été biologique, endocrinienne, et ça, l'ego l'accepte. L'ego, c'est quelque chose qui est assujetti à deux lois. La première, il doit s'exprimer pour savoir qu'il existe. C'est ce qu'il fait dans le corps physique. C'est ce qu'il fait dans la peinture, dans la musique, dans le chant, dans l'engueulade, dans la guerre. Il doit s'exprimer. Et là, il sait qu'il existe. Si l'ego ne s'exprime jamais, il ne peut pas savoir qu'il est là parce qu'il n'a pas de conscience. Il ne sait pas. Il doit expérimenter, et pour ça, il doit s'exprimer. La deuxième chose, il doit se nourrir, donc répéter sans cesse les mêmes expressions pour alimenter sa constitution. L'émotion, c'est exactement ce que c'est. Si présentement, vous vivez quelque chose au niveau astral, au niveau psychologique, et que ça ne s'exprime pas dans votre corps physique, vous ne le savez pas que vous le vivez. Alors, la constitution astrale et physique est faite de façon à ce que ça s'exprime dans le corps physique, et là, on le sait. Parce que dans le passé, on n'avait pas de conscience, la seule façon de savoir qu'on existait, c'était de l'expérimenter. Alors, quelqu'un qui a, par exemple, un gros, gros conflit existentiel, il est vraiment pas sûr qu'il existe, donnez-lui 3 ou 4 coups de poing, vous allez voir qu'il va être sûr qu'il existe. Le corps physique le vit. L'humain a structuré toute son évolution antérieure basée sur l'émotion. Ce qui fait que ça devient une technique traditionnelle. Et physiquement, on est mauditement bien structuré pour vivre les émotions. À un point tel qu'à un moment donné, nos émotions nous nuisent maintenant. Maintenant qu'on commence à être plus conscient, avoir une intelligence mentale, une intelligence supramentale, plus spontanée, là, on commence à vivre la problématique de l'émotivité. Ça a été utile. C'est encore là. C'est encore utile chez beaucoup d'humains. C'est encore utile. Ça va l'être encore pour quelques années. Là, maintenant, on se rend compte qu'on veut faire telle chose puis qu'on ne peut plus. Dites à quelqu'un que vous l'aimez. À un moment donné, on ne peut pas. Achetez une automobile qu'il vous faut. Non, vous avez acheté celle que le vendeur vous a convaincu que vous aviez besoin ou celle qui était belle, ou etc. On achète l'emballage, pas ce qui est contenu dedans. Les émotions, c'est des problèmes. Surtout que l'émotion use le corps physique, le détruit, l'anéantit, quelle que soit l'émotion. Alors, on doit faire une nuance marquée entre un sentiment et une émotion. Vous arrivez quelque part, vous trouvez quelque chose d'extrêmement beau, vous rayonnez, vous résonnez, vous vibrez à ça, c'est un sentiment. C'est nutritif, énergisant, évolutif. Quand vous vous en allez de la place puis que vous vous rappelez la chose, vous allez revivre des stimulations physiques, c'est de l'émotion. Là, vous vivez de la mémoire, ce n'est pas nourrissant et vous devez prendre de votre énergie pour reconstituer la forme. Et en plus, vous devez user le corps physique pour sécréter des hormones. Vous savez, l'hormone, lorsqu'elle est sécrétée, elle va quelque part, elle réagit, puis progressivement, il y aura des résidus qui vont être éliminés. Donc, vous avez besoin de minéraux, d'oligo-éléments, d'enzymes. Vous avez besoin d'une panoplie de mécaniques physiques pour en créer. Et ça use le corps physique parce que celui-ci doit en plus réajuster toute sa physiologie à la réaction hormonale. Le sentiment, c'est quelque chose qui se vit. Vous jouez au tennis avec quelqu'un, vous avez un plaisir, c'est le bonheur. C'est pas de l'émotion. Et là, subitement, vous arrêtez en disant « On est bien en maudit ensemble, hein? » Là, vous vivez de l'émotion, mais vous n'êtes plus bien. Par contre, vous allez rejouir de votre plaisir, mais vous n'êtes plus bien. Le sentiment, ça alimente, ça nourrit. L'émotion, c'est la mémoire de votre sentiment. Alors, à un moment donné, une personne, quand elle vieillit, elle devient nostalgique. Elle parle toujours du bon vieux temps. L'époque d'Al Capone, par exemple, où on faisait sauter la fiole à tout bout de champ sur les coins de rue. Un autre parlera du bon vieux temps, quand c'était la Deuxième Guerre mondiale. Là, il y avait des vrais hommes, puis là, il y avait la vraie vie. Puis toujours le passé sur le bon vieux temps, même s'il était affreux. Pourquoi? Parce que là, la personne, elle vit que dans ses émotions. C'est l'ego. Puis l'ego retourne en arrière. Il y a beaucoup de personnes âgées qui disent « Ouais, mais tu sais, à notre âge, on ne peut plus changer de même. On peut changer autant que les jeunes. » Sauf que si on fait référence uniquement à notre passé, à nos mémoires, là, effectivement, il y aura des problèmes. L'émotion, c'est quelque chose qui se vit. Moi, je m'amuse de temps en temps avec des personnes, que ce soit des enfants ou des adultes, j'ai un plaisir fou. Mais je ne vis pas d'émotion. Et mon corps physique est énergisé par la mécanique. Mais je ne m'ennuie jamais de l'événement. Je ne regrette pas le bon vieux temps. Je continue à vivre les choses quand elles arrivent. Alors que l'émotion, c'est quelque chose qui nous gruge régulièrement. Et l'émotion, c'est un phénomène qui est spirituel, qui est astral, et qui va pallier souvent notre manque d'esthétique. Vous voyez un écureuil blessé, vous vous sentez touché. C'est émotif. Et vous allez l'aider. Moi, je vois un écureuil blessé, puis je vais l'aider parce que c'est intelligent de l'aider. Mais je ne me sens pas touché. Mais je vibre à ce qu'il vit. Et s'il meurt, eh bien, c'est pas grave. Je continue à vivre. Alors que l'émotif, bien là, s'il meurt, bien là, il se fait ramasser par son émotion, ça va continuer. Ça sécrète. C'est le secret de l'évolution de l'animal humain. Alors, à un moment donné, fouillez juste un petit peu dans la médecine. Médecine d'urgence. Faites juste lire sur l'état de choc. Vous allez comprendre tout ce qui se passe dans un corps physique quand un être humain, quand un corps physique est en état de choc. Et observez après ça qu'est-ce qui se passe quand vous vivez des émotions. Vous allez vous rendre compte que vous vivez exactement la même chose. C'est exactement comme de dire, quand on boit en société, c'est pas grave. c'est quand on voit toujours que c'est grave. Quand on se drogue en société, pas grave. C'est quand on se drogue toujours que c'est grave. Quand on se casse la gueule en société, pas grave. C'est quand on le fait pour pas de raison que c'est grave. Une chose qui est détruite, quand c'est socialement accepté, ça va bien. Être sentimentique, être vibrant du sentiment, ça va vous permettre d'aimer encore voir un papillon. Alors qu'on n'a plus rien à se nourrir émotivement du papillon, ce qui fait qu'on s'en balance. Il y a bien des choses qu'on ne voit plus. La pluie, c'est formidable. Quand il pleut, quand il fait froid, puis quand on sent différemment les choses, si vous êtes sentimentique, vous allez apprécier en maudit. Mais vous n'êtes pas émotif. Sinon, vous allez sélectionner. Ah, mais là, ça, j'aime pas ça, puis quand il fait beau, j'aime ça, puis il fait trop chaud, mais quand, tu sais, c'est compliqué. L'émotion, c'est quelque chose qui fait évoluer l'humain, mais qui agresse l'humain. Quand on peut évoluer maintenant par une raison intelligente et non plus une raison émotive, progressivement, l'ego va continuer à nous faire sécréter, mais progressivement, on finit par éliminer ça. Ce qui va faire en sorte que vous êtes capable d'apprécier drôlement plus la vie. Quand je dis drôlement, c'est jovialissement parlant. Allez vous amuser. Qui est Galahad et est-il réincarné? Premièrement, oui, on boit. Mais pas à sa santé. Il n'est pas réincarné parce qu'il n'a jamais été mort. Il plane. Et Galahad, ce n'est pas un personnage réel. C'est une légende, c'est-à-dire que c'est un mot qui résume plusieurs personnages qui ont vécu et qui ont eu un rôle historique à jouer qui était important. Mais Galahad réunit des personnalités extrêmement noires qui ont été manipulées, qui ont eu à jouer un rôle qui a été blanc pour l'humanité, et des personnalités blanches. Ce n'est pas réincarné en tant qu'entité. C'est planant. Dernièrement, j'ai été déstabilisé, ce qui est très inquiétant et très inconfortable pour un ego, car il ne se reconnaît plus. Jusqu'à maintenant, beaucoup d'actions étaient sous-tendues par de la logique, et voilà que, vlan, en une journée, la logique prend des barques. J'ai vibré à quelque chose de supralogique, à de l'intelligence, et cela fait bizarre. Comment discerner lorsqu'on est décentré par rapport à la logique? C'était comme si j'étais attiré par un aimant, mais d'une façon si peu claire, et qu'en même temps, ça chialait à l'intérieur, que j'étais une, trois petits points de folle, d'agir d'une autre façon maudit. Antilogique que j'étais pour me faire avoir. Ben, c'est trois petits points qu'il y avait. Faut pas dire le mot qui manque. Alors, un monde vient de s'effondrer comme un château de cartes. Un autre surgira-t-il bientôt sur des assises beaucoup plus solides? Ça fait partie, ça, de la grosse problématique de l'évolution où, à un moment donné, on se rend compte que ce que l'on sait est vrai. Alors, la personne, elle vit... Elle a vécu simplement un contact plus réel avec elle-même, avec sa propre présence, sa vraie présence. L'ego a peur. J'ai déjà expliqué à des séminaristes que l'ego va, autrement dit l'humain, on pourrait même dire vous allez être beaucoup plus traumatisé, terrorisé, si vous n'êtes pas préparé. C'est pourquoi ça prend du temps. Quand vous allez rencontrer des forces blanches, c'est beaucoup plus épeurant pour un ego humain que de rencontrer des forces noires. L'humain va s'habituer beaucoup plus facilement à vivre avec le diable qu'à vivre avec un dieu. D'ailleurs, l'humain n'a jamais crucifié de diable. Il les a servis. Et par contre, les autres, ils ont passé de mauvais quarts de vie. Alors, ce qu'elle vit simplement, c'est qu'elle était astralisée. Subitement, elle a développé l'intellect, le mental. Elle a mentalisé des choses. Elle a intellectualisé, elle a légiféré. Et c'était raisonnablement soutenable. Et subitement, le mensonge cosmique est apparu devant elle, puis avec une perception énergétique nouvelle, supramentale, la conscience intelligente, qui lui a fait juste un œil sur ce qu'elle vivait dans sa réalité, et c'est presque effacé tout de suite. Hein? Ça a passé fou, comme ça. Et puis là, maintenant, tout ce qu'elle a, c'est un souvenir mémoriel d'être totalement faite à l'os. Ça fait partie de l'évolution. Moi, j'ai connu ça aussi. Je devais avoir 4 ou 5 ans. Et ça a été un choc terrible. Mais je m'en suis remis quand même assez rapidement. T'as échappé ta suce? Je suçais mon pouce. C'était plus pratique, on peut pas échapper. Puis tu transportes ça avec toi partout. Puis... toujours aimé les choses pratiques, moi. Surtout qu'à 6 mois, je tirais déjà ma suce grande de même. C'est vraiment. T'es fort. Et puis, la personne, donc, ce qu'elle vit, c'est ça. C'est une confrontation avec de l'intelligence. Et quand je dis que l'intelligence, vous savez, voir les choses telles qu'elles sont, c'est pas. On est pressé, on veut tout savoir, mais il faut que le corps soit solide. Et là, maintenant, bon, tout s'est effondré comme un château de cartes, oui, mais neuroniquement, il y a des choses qui vont se placer. Effectivement, elle va subitement se retrouver devant une nouvelle structure de concept de la création, beaucoup plus solide, beaucoup plus esthétique. Mais pour ça, il faut que son cerveau puisse la créer, la soutenir, la conserver. Et progressivement, son ajusteur de pensée va commencer à être plus opérationnel, elle va commencer à se former. Il y a des phases qui sont traumatisantes. Elle n'est pas arrivée au bout de son rouleau. Mais quand je dis traumatisante, il y a des phases, tu en as connu une de celles-là, où justement, tu découvres que ce que tu sais, c'est vrai. C'est comme amusant. On le dit tout le temps. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui répondrait, qui répète toujours les paroles du Nazaréen, « Un jour, vous ferez la même chose que moi et même plus. » Ah, elle le sait, ça va être vrai. Puis un jour, elle tombe dans l'eau parce qu'elle se rend compte qu'elle marche sur l'eau. Elle va avoir une crise de cœur. Là, elle vient de se rendre compte que ce qu'elle savait, c'était vrai. L'ego n'a pas prévu ça. Et ça, l'humain, quand je le dis souvent, c'est ça ne dit pas grand-chose. Mais quand vous allez le vivre, vous êtes au courant, vous allez voir que c'est bien bizarre. Et effectivement, un jour, on découvre que ce que l'on sait est vrai. Elle a découvert subitement que l'humain n'était pas tout à fait ce que le concept avait donné. À peine elle a effleuré. Laissez-vous le temps. Oui, vous allez finir par avoir une structuration qui va vous permettre d'être très confortable. Avec tout ce que je sais de l'âme, de l'évolution, de plein de choses, j'arrive quand même à m'amuser. Je suis pas dingue. Vous allez finir par savoir des choses qui vont vous permettre de comprendre plein de choses, puis de savoir, puis bref, vous allez être bien là-dedans aussi. Beaucoup mieux qu'heureux. Si tu tirais ta suce comme ça, j'espère que ta mère t'a pas nourri au sein. Qu'est-ce que la chevalerie planétaire et son rôle sur Terre? J'ai fait une conférence complète sur le rôle de la chevalerie planétaire. À un moment donné, on pourra s'y référer. La chevalerie planétaire, c'est un concept. Hein, si on résume. Les concepts, ce sont des formes qui nous permettent temporairement de faire accepter par l'ego humain des cheminements, des voies, des mécaniques. C'est donc utile. C'est comme de dire, par exemple, nous sommes une nation. Nous sommes le Canada. Ou nous sommes le Québec. On va dire le Canada pour l'instant. Nous sommes le Canada. Oui, mais tu sais, en réalité, on est une gang de cons sur une planète. Et oui, OK. On est une planète. D'accord. Mais si on veut parvenir à faire des choses, à structurer les égos pour que les égos cessent de nous nuire, eh bien, on va créer une nation, le Canada. Et là, on va décider des lois canadiennes. C'est plus facile d'être limité que de vouloir changer le plan planétaire. Et là, progressivement, mais c'est un concept. Mais il est utile. La chevalerie planétaire, c'est un concept. C'est utile. Planétaire veut dire que ça ne dépend pas de la couleur, de la nationalité, ça ne dépend de rien. Ça dépend de la chevalerie, de l'esthétique chevaleresque chez l'individu. On parle d'aristocratie planétaire, ce sera la même chose. C'est un concept qui fait en sorte de permettre à certains égaux de pouvoir, à un moment donné, accepter de travailler dans le sens de l'intelligence. C'est simplement ça. Donc, ce sera des individus, hommes, femmes, ce sera des individus qui, à un moment donné, seront dynamisés, énergisés par un égrégore neuf, une nouvelle forme, qui va être très acceptable par leurs égaux et qui va donner à l'ego une vision traditionnel d'un cheminement neuf qui va donc faire moins peur aux égos et permettre aux égos de foncer là-dedans. Si on dit on fait une nouvelle nation, le mot nation est compris par l'ego, il connaît ça. Mais c'est une nation qui maintenant va être le mettons-en du neuf. Ben, l'ego va accepter. Ce qui va nous permettre à nous, l'intelligence dans le corps physique, d'avoir notre ego un peu plus comme allié que comme ennemi. Chevalerie planétaire, c'est un concept. Mais un concept, c'est comme une compagnie. Une compagnie, c'est un concept. Mais sur la planète, c'est très fonctionnel. Donc, c'est quelque chose de réel. Et son rôle. Oui. Ce sera un grand rôle. Bon. Et encore. Le rôle de la chevalerie, c'est... Est-ce que la chevalerie a une forme actuelle avec des membres et... Non, la chevalerie n'a pas de forme actuelle avec des membres. Il y a beaucoup de membres de la chevalerie, par exemple. Alors, c'est... Et ça. Et quel est son rôle, cette forme qui n'a pas de... qui a des membres? Et qui... Le rôle de la chevalerie, c'est uniquement de préserver les êtres humains qui sont conscientisables et qui se conscientisent. C'est le seul rôle qu'elle a. Donc, il n'y a pas de rôle établi dans ce sens, par exemple, acheter une île puis faire un village. Ça, c'est pas un rôle, ça. Parce que si c'est pas nécessaire, on en fait pas. Si c'est nécessaire, on en fera un. Est-ce que c'est celui de se battre? Non. Si c'est nécessaire, se battra. Si c'est pas nécessaire, se battra pas. Il n'y a pas de rôle astral préétabli. Appliquer de l'esthétisme et de l'intelligence, donc préserver les corps physiques capables, donc les humains, capables de supporter de l'esthétisme et de l'intelligence. Mais il n'y a pas de façon particulière, ça sera nécessairement supramental, donc nécessairement spontané, donc nécessairement instantané. Autrement dit, il y aura une réunion, par exemple, de 4000 personnes de la chevalerie, si un jour 4000 personnes, par hasard, se ramassent à la même place. Ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'ils sauront simplement qu'ils devaient être à cette place-là à un moment donné. Il n'y a pas de chevalerie organisée, il n'y en aura jamais. Pas dans le sens que l'humain veut le faire. C'est évident qu'à un moment donné, il y aura de plus en plus de tendances à structurer des mécaniques de chevalerie pour faciliter le contact. Mais il n'y aura pas de charte, il n'y aura pas d'objectif, de but, il n'y aura pas de ce genre de choses. Pourquoi? Parce que si l'individu ne sait pas tout ça lui-même, il ne peut pas faire partie de l'organisation. Parce que si l'organisation établit quelque chose, ça veut dire que l'individu doit se plier à l'organisation, donc il n'est plus son seul maître. Il devient assujetti. Et on parle de chevalerie planétaire, on parlera donc de chevaliers, ce sont tous des êtres humains qui sont libres, donc ils n'appartiennent à rien. Et quand on parle de chevalerie, on parle encore de concept, c'est comme si on dirait simplement que tous ceux qui sont libres sont capables de reconnaître ceux qui sont libres et de les laisser libres. Ils font donc partie du même singe. Mais ils font partie de rien, même s'ils en font partie. C'est ça. Explique-moi le rôle des méridiens dans le corps éthérique. Corps éthérique, corps vital, c'est la même chose. Corps éthérique, c'est l'ancienne étymologie que l'ordre, que les Rosicruciens surtout se sont servis pour communiquer des choses, des formations. Il y a le corps physique. Le corps physique est en intime relation avec un corps d'énergie qui s'appelle le corps vital ou le corps éthérique. C'est celui-là que les acupuncteurs vont tripoter. Certains vont faire ça convenablement, d'autres le font comme ils ont appris. Parce que l'intuition est toujours importante en médecine. Et quand on pique des aiguilles, par exemple, on travaille sur les méridiens. Les méridiens, ce sont des canaux d'énergie vitale, donc d'énergie éthérique, qui vont permettre une structuration d'un corps extrêmement complexe, ce qui fait que les végétaux ont un corps vital qu'on pourrait piquer. Les animaux, hein, on peut faire de l'acupuncture sur les animaux, c'est évident. Et ça permet une distribution de certaines parties d'énergie qui vont faire en sorte que nous allons continuer à être des êtres qui assimilons notre nourriture plutôt que des êtres qui vont être assimilés par la nourriture. Le corps vital, l'acupuncture, ça n'a jamais été reconnu par la médecine occidentale jusqu'à maintenant où on a des appareils électriques qui nous permettent de constater qu'il y a des choses. Parce que les médecins occidentaux ont toujours travaillé sur des corps morts. L'énergie vitale fait partie du corps vital, le corps éthérique. Et le corps éthérique, lorsqu'il y a une mortalité, le corps éthérique, le corps vital, quitte le corps de chair. C'est pourquoi le corps de chair commence à pourrir. Et c'est évident que si on fait des études sur un corps mort, il n'y a plus de corps vital là-dedans, donc on ne trouvera pas de traces de méridiens. Les acupuncteurs traditionnels indiens, hindous, chinois, japonais, dans l'ordre croissant historique de l'évolution de l'acupuncture, eux travaillaient sur les êtres humains vivants. De ce fait, ils n'ont pas trouvé tout ce que l'on connaît, nous, mais ils ont découvert l'acupuncture. Alors, il y a des carrefours, des centres d'énergie. Les méridiens, ce sont des petits volcans où l'énergie a une tendance à se rapprocher de la partie cutanée. Si on stimule en piquant, il y a toujours un problème, c'est qu'à la longue, on peut détruire la partie cutanée. Donc, on pourrait détruire un point de méridien, ce qui fait qu'après ça, on ne pourra plus le solliciter. Alors, on ne doit pas piquer profondément, on peut masser, hein? On parle ça quatsu, shiatsu, acupressing, il y a plein de mots. Plusieurs choses qu'on peut faire comme ça. Il y a des carrefours d'énergie principaux qu'on appelle chakras. Ce sont des endroits où une quantité limité à phénoménal de méridiens se croisent. Les méridiens, ce sont donc des véhicules d'énergie qui vont transporter de l'énergie partout dans le corps, comme les capillaires vont le faire avec le sang. Et ces énergies-là sont centrées surtout au niveau du centre coronal chez l'individu qui évolue, chakra qu'on a en haut de la tête. Et pendant longtemps, le Muladhara, le chakra sexuel, entre autres, qu'on appelle sexuel et qui était basé à la base de la colonne vertébrale, qui pendant longtemps a été le chakra évolutif chez l'humain. Il y en a encore aujourd'hui qui essaient de travailler avec le Muladhara. Ce n'est pas fonctionnel, c'est beaucoup plus le centre coronal qui va être intéressant. L'évolution s'est faite du bas vers le haut, elle est accomplie. Maintenant, elle se fera du haut vers le bas pour finir le contact. Alors, l'énergie vitale, le rôle des méridiens, le corps éthérique, c'est simplement cela, ce sont des conducteurs. On connaît plusieurs méridiens au niveau de l'acupuncture. Il y a des méridiens qui sont beaucoup plus intracutanés, qui sont beaucoup plus profondément enfouis, qui ne sont pas connus encore. Et il y a des méridiens qui communiquent une énergie qui s'appelle l'énergie ominale, qui, elle, est absolument pas connue de l'acupuncture encore. Puis, évidemment, encore moins de la science traditionnelle, c'est évident. Est-il vrai que les Laurentides ont un haut taux vibratoire positif et pourquoi là plus qu'ailleurs? Bon, positif, non. Positif, négatif, c'est une question de polarité, mais en réalité, il y a énormément de polarité. Alors, quand on parle positif, surtout dans le sens souvent évolutif, cela veut dire bon. Il y a beaucoup d'humains qui ont commencé dans les années à venir, qui vont faire cela, qui vont de plus en plus mal vivre dans les Laurentides, seront malades, seront angoissés, dormiront mal et ils vont migrer vers le sud. Il y a beaucoup de personnes qui restent dans les plaines du Saint-Laurent ou ailleurs qui, à un moment donné, vont sentir des symptômes similaires et vont migrer vers le nord. Les Laurentides émettent une énergie. Les Laurentides sont sur le bouclier canadien. Le bouclier canadien, c'est la première terre de surface. C'est le Mont Mérou, c'est la Terre blanche, c'est l'Éden. C'est là que se réunissent les êtres les plus évolués à chaque fin de cycle, quand on parle de sous-race, de race mère. Donc, la Lémurie, l'Hyperborée, l'Atlantide, la race indo-européenne qui présentement arrive à sa fin dans les années à venir, il y a des personnes qui vont migrer vers la Terre blanche, qui est le bouclier canadien. Quand on parle des Laurentides, on parle donc d'une région où l'énergie est particulière. Cette énergie-là est positive? Oui, non. Elle va bénéficier, être bénéfique à certains corps vitaux. Donc, il y a des individus qui vont être parfaitement bien adaptés à vivre là. Et d'autres seront négatifs, ils vont donc descendre vers le sud. Les Laurentides, pour parler de la partie québécoise du bouclier canadien, sont une terre qui, telluriquement, a la capacité de nourrir le mental. Elle a aussi la capacité... C'est l'une des terres qui contient encore le plus d'énergie vitale sur la planète. C'est l'une des terres où on peut rencontrer le plus d'entités naturelles. On parlera de farfadets, de gnomes, etc. C'est l'une des terres qui va permettre à l'être humain, qui aura suffisamment de conscience, d'entrer en communication rapidement et facilement avec les énergies telluriques pour pouvoir plus facilement par la suite dominer les forces astrales. C'est complexe ce que je dis là, mais c'est l'endroit qui va initier le plus d'individus à pouvoir dire aux entités qui possèdent le monde, « Chut, pas tant », puis ils vont s'en aller. Ou à dire, « Je veux qu'il pleuve, il va pleuvoir. » C'est sur ces terres-là que ces choses-là vont se faire le plus. Et si on pourrait parler de différents phénomènes amérindiens qui ont toujours été légendairement connus, c'est chez les Indiens d'Amérique et d'Amérique du Nord surtout que ces choses-là ont été cultivées. Comparativement à toutes les races d'Autochtones que l'on rencontre sur le plan planétaire. Alors, les Laurentides, donc le bouclier canadien, c'est effectivement énergétiquement l'endroit par excellence où l'être humain sera en sécurité dans les années à venir. Il y a des personnes qui vont dire, « Ben écoute, Cré, ben moi je déménage là tout de suite. » Eh oui. Puis peut-être que tu ne pourras pas dormir, peut-être que tu vas être malade, peut-être que tu vas finir par t'en aller ailleurs. Donc, on ne peut pas dire, « J'y vais, je n'y vais pas. » Laissez les choses aller, puis à un moment donné, vous serez à la bonne place, au bon moment. Ça peut être dans le sud. Ce ne sera pas comme l'humain s'il y a le temps. À quoi on peut s'attendre, en parlant de pas s'attendre? La semaine prochaine, le titre de la conférence, « Les lois du karma dévoilées ». Ah, déjà? Oui, on peut s'attendre à quoi? Eh bien, on peut s'attendre à ce que je dévoile les lois du karma. Effectivement, oui. Le karma, c'est ce qui assujettit l'humain à être collectif, Cela veut dire que c'est ce qui assujettit l'humain à vivre une évolution sinusoïdale traditionnelle. C'est ce qui assujettit l'humain à ne pas comprendre des choses. C'est ce qui assujettit l'humain à des mécaniques où il va être drainé en énergie, donc il perd de l'énergie. C'est ce qui assujettit l'humain à des maladies qui sont collectives. C'est la tuberculose, les maladies vénériennes, des choses comme ça. Il y a des lois, il y a des choses qu'on doit savoir pour éliminer de notre vie un paquet de problématiques et cesser de vivre continuellement en fonction, cesser d'appliquer des mécaniques qu'on a apprises qui sont toujours en train de nous ramener des problématiques sur le dos sans arrêt. Dans sa façon de parler, mais surtout dans sa façon d'agir, l'humain passe son temps à faire des choses qu'il peut faire, mais qu'il devrait faire de d'autres façons, vérifier des choses. Il y a tellement de petits points qu'on peut éliminer. C'est pas des choses compliquées, mais ça va adoucir énormément. C'est un peu comme quand on mange mal, eh bien, si on devient malade, il faudrait qu'on cesse de faire telle chose, mettre moins de beurre là, puis bon, c'est des petites choses qui, à la longue, vont tout changer. Au niveau des lois du karma, c'est la même chose. C'est une des mécaniques de restriction de conneries les plus puissantes qui étaient amenées à l'humain. Puis, quand on arrive à un certain niveau d'évolution, c'est l'une des lois qui devient les plus problématiques parce qu'elle empêche notre épanouissement, notre émancipation au niveau supramental. Alors, mieux vaut la connaître. Il y en a plus qu'une. Alors là-dessus, ben, amusez-vous. Bonne fin de semaine. Thank you.